question traverse ma tête. Est-ce bien toi que je vois là devant moi? Je fais un effort pour pas m'évanouir. De ce moment font jouir. Certes, je doute, la vérité je redoute. Écoute, sans doute, à vous. Le temps nous a marqués, nos fronts sont ridés. J'ai peur que tu sois juste un mirage. Permets-tu que je touche ton si doux visage? Assembler mon courage pour qu'ensemble on puisse prendre les dangereux virages. Pas en dérision, douce fleur de lys, ma miss. N'écoute pas les gens qui rentrent des disques. Jaloux et hypocrite, ils ne veulent pas que notre amour réussisse. Aille de l'avant, sur nous, tels des chiens pissent. Pourtant, trompé, jamais tu l'as été. Tout mon être peut en témoigner. Dans mon cœur, tu gardes une place de choix. Donne-moi ta main, traçons notre voie. Belles étoiles qui brillent là-haut, dans la peau à jamais jetée. Ne me quitte plus ton absence, je ne la supporterai plus. Tant pas mon pas, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Tu sais, notre point culmine dans notre firmament. Dorina, joue-moi une bonne balade. Amadou, si j'ai envie de chanter une sérénade.